de place, aux autres pour improviser. Je ne laisse pas de place au clavier. Je ne laisse pas de place aux autres pour improviser. Je ne laisse pas de place au clavier. Laissez-moi, laissez-moi l'espace ici-bas. Laissez-moi, laissez-moi l'espace ici-bas. Non, je ne pourrais pas vous laisser. Non, je ne laisse pas de place. Non, je ne laisse pas de place. Non, je ne laisse pas de place. Non, je ne laisse pas de place. Non, je ne laisse pas de place. Non, je ne laisse pas de place. Non, je ne laisse pas de place. Laissez-moi le temps de jouer convenablement, m'amuser ici-bas. Oh, donnez-moi mon dos, je ne veux plus m'emporter. Mais mon jeu, le temps est long. Je ne laisse pas de place. Ah, je ne laisse pas de place.

some freedom. With my sister Sharon, we need some freedom. With my sister Sharon, we need some peace place. Sometimes we drink, sometimes we smoke. Thank you. place. Non, je ne laisse pas de place. Non, je ne laisse pas de place. Non, je ne laisse pas de place. Non, je ne laisse pas de place. Non, je ne laisse pas de place. Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi la place. Je ne laisse pas de place. Non, je ne laisse pas de place. Non, je ne laisse pas de place. Non, je ne laisse pas de place. Non, je ne laisse pas de place. Non, je ne laisse pas de place. Non, je ne laisse pas de place. Non, je ne laisse pas de place. Non, tu ne laisses pas de place. Laissez-moi boire ce jus-là. Laissez-moi boire ce jus-là. Moi je veux fumer ce que tu fumes. Je veux boire ce que tu fumes maintenant. Et on va passer la soirée à s'amuser. Et on va te sauver comme j'aime ton âge. J'aime ça. Je t'aurai à poser. On va rigoler. Rigoler. Laisse-moi boire ce que tu bois, fumer ce que tu fumes, voir ce que tu vois. Mais... Et on va rigoler toute la soirée. J'ai ramené le Jack. Ce soir, c'est glaçon. Thank you. place au non, je ne laisse pas de place au non, je ne laisse pas de place au non. this ground tree for all I, for all I. Well, my mother lived a simple life. I see your days in Manson when the war. You never, ever alone. valeur. Non, non. J'ai foiré. j'ai foiré, je n'arrive pas à être rythmé. J'ai foiré, je n'arrive pas à être parfaitement rythmé. J'ai foiré, je n'arrive pas à être parfaitement rythmé. Le tempo qui tape, tempo qui tape, tempo, le tempo. My sister, sang. Playing merry, playing song, playing merry, playing song. With my sister, with my brother, we play the song of life. With my sister, with my brother, we feel the love of life. With my sister, with my brother, we love the beginning of life. And we play with love in natural places. And we see Jah coming through this life. Oh, brother, my sister, we feel love of life. With my sister and my brother, where you feel the love of life. And we just then again we go. My sister, we feel the love.